Activité 6. Et maintenant, notre rubrique télé. Hier soir, la série « Scène de ménage » diffusée du lundi au samedi à 20h05 sur M6 a battu un nouveau record d'audience et même a dépassé le 20h de France 2. La série a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, soit 19,5% de part d'audience. Sur France 2, le JT a réuni 5,3 millions de téléspectateurs. La question du jour, à présent, que regardez-vous à la télé à 20h ? Chers auditeurs, laissez vos réponses sur le répondeur de notre émission.